But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Alright. Alright. Alright. Institution, well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be alright? Alright. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaire sensible, la fiction, aujourd'hui Pompidou en mai, notre invitée Sabrina Tricot, historienne, auteure du livre Les années Pompidou. Bonjour Sabrina Tricot. Bonjour. Vous êtes agrégé docteur en histoire, vous avez travaillé à l'association Georges Pompidou, vous avez écrit et dirigé Pompidou en mai 1968 et Les années Pompidou chez Belin en 2014. Vous avez enseigné à Sciences Po et aujourd'hui vous enseignez au lycée Montesquieu de Mancagny-Pocagne. Alors ce 29 mai 68, en fin de matinée, que se passe-t-il à Matignon quand le général de Gaulle décommande le Conseil des ministres et part pour Colombey? En fait, il disparaît, on ne sait pas immédiatement qu'il va disparaître, mais comment Georges Pompidou réagit-il à ce moment-là? Bien, déjà, Georges Pompidou a été étonné puisque le général l'a appelé personnellement pour annuler le conseil. Et à la fin de la conversation téléphonique, il lui a dit « Pompidou, je vous embrasse ». Et ce qui a frappé Georges Pompidou, c'est « je vous embrasse ». Il le dit d'ailleurs à ses conseillers « imaginez, De Gaulle m'a dit « je vous embrasse ». Donc, il se doute qu'il se passe quelque chose. Et on met du temps à Matignon à savoir où est le général. Pompidou est quelqu'un d'assez calme, de naturel, mais on sent l'angoisse poindre et les témoignages que des collaborateurs ont pu me faire vont dans ce sens. Il y a une véritable inquiétude sur, d'une part, où il est, mais une fois où on sait où il est parti, pourquoi il est parti? Et que va-t-il se passer? D'autant plus qu'il faut revenir sur la situation au moment où il part. Réouverture de la Sorbonne le 11 mai, négociation de Grenelle qui s'ouvre le 25, le grand meeting de Charletti le 27 avec le PSU et l'UNEF. Pompidou n'a pas les soutiens espérés au sein de la majorité. Le mouvement dit de mai 68 prend une ampleur considérable. Quelle est la situation de l'exécutif à ce moment-là, au bord du gouffre, au bord de la chute? Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on ressent du côté à la fois de l'Élysée et de Matignon? Eh bien, cette question qui paraît très simple a une réponse qui est en réalité très complexe. Parce que vous touchez là aux querelles de mémoire entre les Pompidoliens et les Gaulliens. Ah. Les Pompidoliens vous diront Pompidou a tenu, tout partait à volo, il n'y avait qu'à Matignon que les choses se décidaient. Et puis, du côté gaulien, vous aurez la version inverse, c'est la disparition du général, puis son discours radiodiffusé, qui a permis de renverser la situation. Donc, si on essaye de se placer d'un point de vue purement historique, la situation est en fait tout simplement confuse, et le pouvoir, on peut dire vacille. Mmh. On peut dire vacille, que ce soit à l'Élysée comme à Matignon. Alors, je cite Georges Pompidou dans le livre d'Éric Roussel. Éric Roussel, l'un des biographes de Pompidou, peut-être le plus connu. Voilà ce que disait Pompidou. « L'hypothèse de cette disparition m'apparaissait comme une catastrophe. Non seulement le prestige du général restait un élément essentiel du pouvoir, mais juridiquement, son retrait me placerait dans une situation inextricable. » Alors quoi? Allons-nous voir Monsieur Monnerville pour assurer l'intérim. Monnerville, c'était le président du Sénat à l'époque et dans la Constitution de la Cinquième, quand le président est empêché ou s'il meurt, je le rappelle, c'est le président du Sénat qui devient président par intérim. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Alain Poher. Certes, alors je continue Roussel, certes il ne pouvait pas changer de gouvernement, le général de Gaulle, mais je ne pouvais pas non plus dissoudre l'Assemblée, dit Pompidou, l'Assemblée où le climat devenait délétère et où beaucoup de gaullistes, même ministres, parlaient de la nécessité de faire appel à Mendès France ou Edgar Faure. Que nous disent ces mots de Pompidou en ces jours du 29 et 30 mai 68? Alors, la situation de Pompidou, elle est compliquée. Quand vous parliez de Gaston Monnerville, il faut savoir que depuis 1962, donc depuis la réforme sur l'élection du président au suffrage universel, Pompidou est brouillé avec Monnerville parce que Monnerville a traité le gouvernement et son chef lui-même de forfaiture. Et depuis ce jour, d'ailleurs, Pompidou a refusé de serrer la main à Gaston Monnerville. C'est dire que les relations entre les deux hommes sont tendues. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, la question de la dissolution de l'Assemblée. Pompidou va plus ou moins forcer la main du général pour que l'Assemblée soit dissoute. Et dans cette volonté, il va recevoir le soutien de Jacques Chaban-Delmas, qui va soutenir ce projet. Et c'est ça qui permet un tournant fondamental, puisqu'on revient dans une période électorale, ce qui va permettre au gouvernement de reprendre la main face à la rue et face à la gauche. Ouais. Alors, ça ne règle pas, pour le coup, ça ne règle pas le problème de Gaulle. Parce que Pompidou écrit également « Mon inquiétude immédiatement fut extrême. Je connaissais depuis longtemps les crises psychologiques du général et sa tentation périodique du départ. Est-ce que ça veut dire que le général de Gaulle avait plusieurs fois laissé percer son désir de tout plaquer et que quelque part il avait perdu la main, qu'il ne comprenait pas la jeunesse ? Qu'il a eu un petit coup de déprime, d'ailleurs je crois que c'est quasiment ce que dit Éric Roussel dans sa biographie sur Charles de Gaulle, cette fois non pas sur Pompidou, c'est une certitude. Il s'est senti déprimé et donc il est parti pour essayer de sans doute ou bien trouver une solution. C'est compliqué ça à savoir. Pompidou, ça savait que le général pouvait avoir des moments de découragement. Quelqu'un comme Jacques Faucard le dit très bien dans le journal de l'Élysée aussi, après les élections législatives de 1967, où la majorité gaulliste l'a emporté de justesse, le général savait que le pays n'était pas entièrement avec lui, derrière lui. Donc cet aspect, Pompidou le connaît. Après, si vous voulez, le fait qu'il n'ait pas été prévenu a sans doute fait que ça a marché. C'est-à-dire le fait que personne, y compris le Premier ministre, ignore où était le général, a sans doute participé du retournement de l'opinion publique. Il fallait d'une certaine manière que Pompidou partage cette angoisse du départ pour que ça fonctionne. Donc ce départ, il n'a rien d'irrationnel. Alors à ce moment-là, c'est vraiment une stratégie. Le général de Gaulle est effectivement au pied du mur. Il y a peut-être un sentiment, non pas de panique chez un homme comme ça, mais de se retrouver devant une situation inextricable, faire un coup. Tout était programmé. On est là je devant une stratégie. Je dirais pas que c'est programmé au sens une stratégie, je dirais que c'est un coup, mais un coup politique comme le général en a fait d'autres, de par le passé. Je pense que c'est en ce sens-là. C'est pas forcément une stratégie au sens stratégie militaire construite sur le long terme. C'est ça. Mais pourquoi Baden-Baden et pourquoi Massu ? On sait ça ? Bah parce que c'est un militaire, parce qu'il a confiance en Massu, et aussi qu'il veut sans doute s'assurer du soutien de l'armée, au cas où il faudrait faire une sorte de rejeu de mai 58. Mais 58, pour le coup, sur ce coup d'État démocratique appuyé par l'armée, qu'est-ce que vous voulez dire plus précisément ? Je ne peux pas vous dire plus précisément, puisque les intentions du général ne sont guère pénétrables, d'autant plus que c'était quelqu'un qui ne se livrait pas du tout. Je vous rappelle que quand il est parti, même son gendre qui devait le retrouver à Colombey, Christian de Boissieu, ne sait pas où est le général. Donc c'est une forme d'interprétation. Donc on peut supposer qu'il a cherché à obtenir de Massu le soutien de l'armée pour éventuellement une reprise du pouvoir, mais sous quelle forme, c'est difficile à savoir. En tout cas, s'assurer de l'appui de l'armée, au cas où on en viendrait, et ce qui sans doute il ne souhaite pas d'ailleurs, à une situation qui nécessite l'usage de la force. Bien, on va se retrouver dans un instant pour continuer à explorer cet épisode qu'on a taxé de l'histoire, l'une des histoires les plus étranges de la Ve République, cette disparition, on va pas dire cette fuite, d'ailleurs on va y revenir sur le mot fuite, dans 3 minutes ensemble. Oh yeah. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Oh yeah. L'autre jour j'écoute la radio en me réveillant, c'était Yvette Dornaire qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatigue, Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette. Oh yeah. Mon meilleur ami, si vous le connaissiez, vous ne pourriez plus vous en séparer. L'autre jour, il n'était pas très malin, il a pris un laxatif au lieu de prendre le train. Oh yeah. Oh yeah. Avec mon petit cousin qui a 10 ans, on regardait Gros Nounours à la télévision. À Nounours il a dit bonne nuit mon bonhomme, il est parti danser le Tcherko Palladium. Oh yeah. Le juge a dit à Jules vous avez tué. Oui j'ai tué ma femme pourtant je l'aimais. Le juge a dit à Jules, vous aurez 20 ans. Jules a dit, quand on aime, on a toujours 20 ans. Oh yeah. Tout devrait changer tout le temps. Le monde serait bien plus amusant. On verrait des avions dans les couloirs du métro. Et Johnny Hallyday en cage à Medrano. Oh yeah. Sabrina Tricot, nous revenons donc sur le départ du général de Gaulle à Baden-Baden en mai 1968, lorsqu'il se rend auprès du général Massu, en qui il a confiance. Est-ce qu'on peut parler de fuite ? Oui et non. Ah. Une fuite, oui, parce que délibérément, il part. Et comme on le disait tout à l'heure, il a un coup de déprime. Mais le général n'est pas quelqu'un qui fuit. Par nature, il peut avoir la tentation du départ, mais c'est pour mieux revenir. Ouais. Donc fuite, non. Disparition, assurément. Bien, donc on regardera disparition. Alors, cet épisode a altéré considérablement les rapports entre Georges Pompidou et le général de Gaulle. C'était des rapports jusque-là de confiance, depuis que Georges Pompidou était Premier ministre. Là, il y a quelque chose, un contrat de confiance qui se casse. Ah oui, tout à fait. Ça a profondément, je ne sais pas si on peut dire déçu, mais en tout cas, ça a profondément marqué Georges Pompidou, qui a été oui, je vais dire déçu, que le général ne lui ait pas dit où il allait. Là, vraiment, ça a été pour lui un manque de confiance important qui est sans doute un des premiers points qui les sépare et qui conduit après à la césure en 1969. Alors, des relations qui ont été alors encore plus altérées en octobre de la même année, avec l'affaire Markovic, une affaire sordide dans laquelle la femme de Georges Pompidou avait été mise en cause tout à fait injustement. Ça avait beaucoup blessé Georges Pompidou qu'on s'attaque à sa femme, et je crois que le général de Gaulle n'avait pas tellement soutenu Georges Pompidou. Oui, tout à fait. Le divorce est consommé au moment de l'affaire Markovic. Et là, Pompidou, on a beaucoup voulu au général d'avoir été d'une certaine manière condescendant et surtout de ne pas lui avoir dit lui-même. Mmh. Alors que le général en a été informé avant que Georges Pompidou en ait été informé. Georges Pompidou avait une position qui n'était pas forcément facile au sein des gaullistes, puisque à l'époque ils sont encore très marqués par la guerre, par la résistance. Les barons gaullistes, hein, comme on les appelait, les Sanguinetti, Olivier Guichard, Jacques Chaban-Delmas et d'autres sont des résistants. Georges Pompidou, l'histoire de Georges Pompidou ne s'inscrit pas dans l'histoire de la résistance, des faits d'armes. Est-ce que ça lui donnait un positionnement compliqué à Georges Pompidou au sein des gaullistes, qu'il n'était pas chimiquement pur, car sans titre de gloire de résistance? Mais là encore, c'est une question de point de vue. C'est-à-dire que une partie des gaullistes pouvait utiliser cet argument, mais en même temps, la proximité de Pompidou avec le général, elle remonte à 44-45. Dans la traversée du désert, Pompidou a servi le général, et il le dit d'ailleurs dans ses mémoires, il l'a servi à une époque où le retour au pouvoir n'est absolument pas envisageable et pas envisagé. Donc il l'a fait de manière totalement désintéressée. Et c'était un sujet qui l'agaçait au plus haut point. D'ailleurs, il y a, si ma mémoire est bonne, en 72 ou 73, une conférence de presse où on lui pose une question à cet égard. Et il a répondu assez sèchement en disant qu'il n'avait de leçons de gaullisme à recevoir de personne. Ouais. Alors, est-ce que c'est au cours de ces événements de mai 1968 que Georges Pompidou s'impose aux yeux de ses contemporains comme un chef d'État, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est capable d'être président de la République? Et on sait à quel point dans notre Constitution, dont évidemment le général de Gaulle était un grand défenseur, et Georges Pompidou également, on sait à quel point le président a du pouvoir en France. Ah oui, ça c'est indéniable. Ça c'est indéniable. Hein. Vous savez que François Mauriac écrivait des bloc-notes. Hein, et dans ces bloc-notes qui ont été publiés, hein, il y en a un qui dit clairement qu'il est apparu, à la faveur des événements de mai, comme un homme d'État. Donc il a acquis cette stature aux yeux de l'opinion publique, et de ce fait, il apparaît comme une solution de rechange aussi. Hein. Alors, les historiens ont tendance à dissocier le temps de la République dite gaullienne, qui va de 58 à 69, de celui de la France dite pompidolienne, qui elle va de 69 à 1974. Mais 68 est-il à l'origine de cette distinction qu'on peut faire? Je suis pas sûre que ce soit une bonne distinction. D'abord parce que la France pompidolienne s'inscrit, à mon sens, bien plus dans la continuité que dans la rupture par rapport à la France gaullienne. S'il y a une inflexion, c'est d'une part, comme vous l'avez dit, Pompidou apparaît comme une solution de rechange et comme un homme d'État. Donc l'alternative, moi ou le chaos, d'une certaine manière, est caduque. Et puis aussi parce que elle a permis à Georges Pompidou, même si, si on réfléchit à sa pensée, il y avait des choses qu'il avait déjà anticipées, mais elle a été pour lui une prise de conscience des problèmes d'inadéquation entre la société, la politique, d'un certain nombre de problèmes socio-culturels qui laissera, une fois qu'il sera président, de mettre en œuvre ou de solutionner. Il y a toute une partie, si vous voulez, de ces réformes, non pas qui sont inspirées de mai 68, pas du tout, mais qui sont comme une réponse du pouvoir aux revendications de mai 68. Pompidou était un pragmatique? Ah oui, tout à fait. Un grand pragmatique. Alors, je tiens entre mes mains votre livre. La couverture est superbe. Je vais la décrire parce qu'elle dit beaucoup de choses de la France de ces années-là. Donc c'est une deux chevaux, hein, on est bien d'accord. Oui. On a une famille qui part en vacances ou en week-end. Alors on charge les bagages. Il y a une espèce d'insouciance qui se dégage de cette couverture censée représenter ce qu'était la France de ces années-là. Est-ce qu'il y a une forme d'insouciance de la France pompidolienne. Là, je parle de la France, hein, pas de Pompidou. Oui, oui, j'entends bien. Là encore, la réponse n'est pas simple. Il y a une insouciance, oui et non. Ça dépend de quel point de vue on se place. Économique, on est dans alors, les 30 glorieuses. Économiquement, voilà. Économiquement, on est indubitablement dans les 30 glorieuses, plein emploi, société d'abondance. Donc, en ce sens-là, oui, c'est la période, justement, de massification du tourisme, de massification de l'enseignement et donc d'une certaine forme de démocratisation. Du point de vue du pouvoir, il faut aussi avoir conscience que c'est une période où on peut énormément donner. Il faut penser que c'est une logique qui est totalement différente de celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on augmente les retraites ouvrières, on augmente tous les minimums sociaux, il y en a très peu qui existent à l'époque, mais enfin quelques-uns quand même. Donc on peut aussi distribuer de la croissance. C'est l'État-providence, y compris pour la droite, qui peut s'en servir parce qu'il y a de quoi le faire. D'accord. Exactement. Et c'est cette image qu'on a gardée. Mmh. Les années Pompidou sont les années heureuses. Mais du point de vue ensuite du pouvoir, en particulier sur la période début des années 70, ça change, il y a un certain nombre de signaux qui sont au rouge et qui donnent d'ailleurs du souci aux hommes politiques. Et Pompidou l'a dit à plusieurs reprises dans des conférences de presse. C'est quoi les signaux rouges ? Eh bien, la croissance commence à diminuer. Ah oui. Il y a les prémices du chômage. Je vous rappelle que la NPE a été créée à la fin des années 60 par Jacques Chirac. Mmh. Et il y a une conférence de presse, je crois, de 73, où Pompidou dit « Attention, on arrive à 450 000 chômeurs ». Quand on sera à 800 000, ça deviendra un énorme problème pour l'État. Et question style, c'est intéressant également. Georges Pompidou est à la fois, il a les deux facettes de ce que peut être l'évolution d'une société moderne et d'un homme politique de haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a un côté quand même conservateur. On le voit d'ailleurs par rapport, ne serait-ce que par rapport à Jacques Chaban-Delmas, qui lui est moderne, voire moderniste, qui exaspère Georges Pompidou, une espèce d'ouverture parfois vers la gauche, ça l'exaspère, Pompidou. Et en même temps, il y a le côté chère vieille France, la bonne cuisine, les folies bergères, le guet Paris, la haute couture. C'est-à-dire que à la fois, il est traditionnel, Georges Pompidou, il est aussi très moderne. On connaît son goût pour l'art moderne, notamment. Il y a les deux aspects chez cet homme-là. Oui, alors, justement, dans mon livre, j'essaye de montrer qu'on fait de ces deux aspects une contradiction qui, à mon sens, n'est qu'apparente. C'est-à-dire que, oui, du point de vue sociétal, il y a certaines évolutions qu'il refuse. Mmh. Et c'est pas du tout contradictoire avec son goût pour l'art contemporain. Je pense que la clé du personnage, et pour comprendre cet aspect à la fois conservateur et à la fois amoureux de l'art contemporain, il faut garder à l'esprit que c'est un humaniste. Et donc c'est un homme qui a un rapport au monde, un rapport à la politique, un rapport à la culture, qui est celui d'un homme de lettres. Ouais. Et donc pour lui, il y a une forme de continuité, et c'est pour ça qu'il est en désaccord avec Jacques Chaban-Delmas, il y a une forme de continuité entre la poésie latine et l'art contemporain. C'est-à-dire que pour lui, c'est à chaque fois des traductions du monde dans lequel ils vivent. Et ce qu'il reproche à Jacques Chaban-Delmas sur la nouvelle société en particulier, c'est cette idée qu'on peut faire table rase du passé, qu'on va tout d'un coup, ex nihilo, créer une nouvelle société avec de nouveaux cadres. Pour Pompidou, c'est impensable ça. Ça reviendrait à nier le passé, l'histoire et la culture. Bien. Alors, dernière chose, quelle trace laisse ce quinquennat ? On a l'impression, jusque pendant les septennats, on se disait, Georges Pompidou, il n'est pas resté très longtemps au pouvoir, on ne peut pas le juger. Bon, en fait, il est resté 5 ans, il est mort en 74, 5 ans. Nos présidents aujourd'hui restent 5 ans. Bref, quelle trace a laissé ce quinquennat qui devient maintenant un mandat normal en termes de temps ? Elles sont multiples. Je pense qu'une qu'on retient et qui a été à l'actualité il n'y a pas très longtemps, c'est l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, oui, par exemple. Mmh. Ça, c'est une des grandes réformes de son quinquennat. Après, il y a un certain nombre d'évolutions sociales. Alors, c'est encore une question de point de vue. On peut dire, oui, la mensualisation des salaires, par exemple, réforme portée par le gouvernement Chaban-Delmas, dont Pompidou faisait la plus grande réforme sociale depuis le Front populaire. Oui. Mais d'un autre côté, la loi sur l'avortement n'a pas abouti. Donc vous voyez, on retombe dans ces querelles d'héritage avec cette dichotomie conservateur ou contemporain, conservateur ou moderniste. On va dire les deux, d'accord ? Les deux, oui, assurément pour très moi. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci infiniment. Merci à Sabrina vous. Tricot, je rappelle le titre de votre livre. Bon, tout simplement, Les années Pompidou chez Belin. Merci, au revoir.